Défaut d'augmentation du capital et faute de gestion, un jugement préoccupant pour les dirigeants. Le liquidateur judiciaire d'une société reprochait aux dirigeants de celle-ci de ne pas avoir tenté de procéder à une augmentation du capital au vu des graves difficultés financières qui compromettaient la survie de la société. Le liquidateur a demandé en conséquence la condamnation du dirigeant à prendre en charge une partie du très lourd passif de la société. Et il a obtenu gain de cause. Les juges ont condamné ce dirigeant à supporter l'insuffisance d'actifs de la société à concurrence de la somme de 1 million d'euros. Le dirigeant se pourvoit par la suite en cassation, en soutenant que l'augmentation du capital est une mesure qui relève de la compétence exclusive des associés. Il n'a donc pas commis de faute de gestion. Les juges de la Cour de cassation refusent cet argument et confirment sa condamnation. Si les apports de fonds à une société sont effectivement du ressort des associés et non du dirigeant, qui ne peut se voir reprocher l'absence d'augmentation du capital, celui-ci commet cependant une faute de gestion s'il ne tente pas d'obtenir une augmentation du capital dans la mesure où il était conscient du fait que, sans recapitalisation, la société allait se trouver en état de cessation des paiements. Comme il était resté inactif, sa responsabilité était engagée.